La cérémonie d'ouverture de la compétition sportive pour le prix Flambeau de Potsonbon s'est déroulée le 2 juin au gymnase de Hesan de la province du Yangon. Y ont pris part les officiels intéressés, les sportifs, les travailleurs jeunes et enfants de la ville de Hesan. Après la cérémonie, il y a eu le match de volley-ball masculin entre les clubs sportifs de Srobeksu et Damnokan. Au cours de la compétition, les joueurs se disputeront dans des dizaines de disciplines comme football, basketball, volleyball et tennis de table à Pyongyang, Hesan, Pyeongsong, Hamon, Wonsan, etc.